l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Mathieu Baudin, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, tu es un des cofondateurs de l'Institut des Futurs Souhaitables. Alors c'est quoi? On va dire que c'est une aventure qui est ancienne déjà, pour commencer. Écoutez, oui, le rêve de l'Institut des Futurs Souhaitables s'est fait à la fin du XXe siècle. On y travaille ardemment depuis 10 ans et on a ouvert depuis 7 ans. Donc ça va faire bientôt une bonne vingtaine d'années. Et le propos est le futur, puisqu'on fait de la prospective, cette indiscipline intellectuelle, comme le disait Pierre Massé, cet art d'essayer d'imaginer ce qui pourrait advenir. Et comme le nom le porte, nous, on essaye de mettre en avant les futurs souhaitables, les futurs qui donnent envie d'aller vers eux, plutôt que les futurs pourris, finalement, dont on parle peut-être un peu trop, notamment dans les médias, qui sont aussi plausibles que les nôtres. L'un est une affaire de volonté, l'autre une affaire de non-volonté. Alors vous ne croyez pas à l'effondrement de notre société thermo-industrielle ? Moi, je crois à une mutation énorme de notre civilisation, certainement aussi puissante que celle qui nous a conduit du nomadisme à la sédentarité. L'effondrement est quelque chose d'un peu... Il y a quelque chose de pas vrai dans l'effondrement, c'est que ça va venir en une seule fois. Et moi, je préfère l'idée d'une métamorphose. En fait, j'invite d'ailleurs à penser le monde non pas en crise, mais en termes de métamorphose, ça laisse plus d'opportunités. On va nécessairement passer à autre chose. Entre nous, on est déjà passé à autre chose. Certains peuvent encore en douter, certains peuvent encore en avoir peur, mais on est déjà dans une phase de résilience, parce que toutes les actions qu'on a sur notre biosphère sont déjà en train de changer. Alors on peut le voir avec du vertige, mais on peut le voir aussi avec une opportunité. C'est la première fois peut-être qu'une génération humaine en conscience pourra vivre sa propre renaissance. Et tout l'enjeu est là. Oui, donc toi tu écartes, vous écartez dans cet institut ces scénarios un petit peu sombres, de périodes compliquées, de retour de la barbarie. Pas du tout, non. La prospective en fait, c'est un exercice qui nécessite de comprendre le temps présent. Donc avant de faire n'importe quel scénario, il faut cerner la réalité du monde, mais tel qu'il est, objectivement. La réalité du monde, il y a une salinisation des océans, il y a des problèmes avec la biosphère majeure, il y a des problèmes avec le climat, et toutes ces causes sont humaines. À part les irréversibilités qu'on est en train d'engendrer, mais toutes les causes sont humaines. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est pas un astéroïde qui tombe, c'est pas un super volcan qui explose, c'est pas des extraterrestres qui vous envahissent, c'est l'être humain qui cause sa propre perte. Donc il nous appartient, nous avons la possibilité d'inverser la tendance. Il me semble. D'autant plus dans notre époque où on a un empowerment, vous savez ce mot difficilement traduisible qui vient de l'anglais, qui est un mélange d'énergie et de super-héros, que les Québécois ont appelé empuissantement, mais on a aussi de l'empuissantement par rapport à la solution et à faire quelque chose de neuf dans un monde un peu vieux. Et tout l'enjeu est là, comment on voit neuf et comment on fait neuf dans un monde où tout est à réinventer. Et ça, pour notre génération, toi, moi et tous les auditeurs, c'est quand même une opportunité que jamais personne n'a eue avant nous. Vous avez établi des scénarios donc, de futurs souhaitables. Quels sont-ils? Quelles sont les différences entre eux? Il y en a beaucoup, selon vous, des scénarios de futurs souhaitables. On ne prend que cela? Alors, on prend tous les scénarios possibles et après, on décide de mettre son énergie sur l'un ou sur l'autre. À force de dire que tout va s'effondrer, il est possible que ça s'effondre, d'autant plus en le rappelant. À force de dire que tout peut se solutionner ou éventuellement on peut faire quelque chose de ça, il y a aussi un côté autoprophétique à choisir son scénario. Donc il faut être, à mon avis, lucide sur le monde tel qu'il est. Le système tel qu'il a été pensé dans les années 60, avec 450 millions d'individus qui avaient les ressources de toute la biosphère grâce aux colonies, c'est fini. On est 9 milliards, les temps sont au partage, donc mathématiquement ce système ne fonctionne plus. Et donc ce qu'on pensait être la norme, les 30 Glorieuses, c'est une exception. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve avec des comportements que nos grands-parents avaient, et on se retrouve avec d'autres générations en train de nous profondément redécouvrir des choses là où nos grands-parents les faisaient naturellement. Les AMAP, mon grand-père était à Marvejols en Lozère, il le faisait naturellement, il y allait d'ailleurs en vélo, et en plus lui, quand un étranger avait besoin de dormir, il lui prêtait aussi son canapé comme du couchsurfing, ça s'appelait de l'hospitalité. Donc on est dans une phase incroyable de découverte et de redécouverte. Et profondément pour nous, c'est du neuf. Donc l'effondrement, certainement si on ne fait rien. Ce qui est sûr, c'est que le sujet d'aujourd'hui, c'était l'être humain est-il en voie d'extinction. Je pense que le système de l'être humain tel qu'on l'a connu est en voie d'extinction. C'est bien pour ça qu'il faut réinventer le système. Alors ces futurs, ces scénarios, moi j'ai envie de rentrer dans ces scénarios selon vous, parce que tu n'es pas tout seul. Quels sont-ils ces scénarios? C'est quoi qui peut advenir? Et encore une fois, hein, profondément, c'est pas de la divination, hein, la prospective. Donc c'est profondément ce qu'on va savoir construire tous les deux, ce qui va advenir. Après, le monde qu'on quitte, il est plus lisible que celui vers lequel on va. Il n'empêche que dans tous les scénarios souhaitables, nous, qu'on pratique, on voit bien qu'il y a une reconnexion homme-nature. Dans tous les scénarios souhaitables. Non pas par militantisme, mais juste par survie, en fait. Cette espèce de déconnexion qu'on a fait artificiellement, qui a peut-être permis d'élever notre pensée, maintenant, il faut la reconsidérer. Cet anthropocentrisme qui a fait la Renaissance, il faut le reconsidérer. On est, nous, dans quelque chose de plus grand que nous. On est avec la nature, on est même dans la nature. Donc ça, c'est quelque chose de tendanciel dans le scénario dont on parle souhaitable, parce que ça ne vous a pas échappé, on a des futurs souhaitables. On est l'Institut des futurs souhaitables pour éviter les dogmes, justement, pour éviter ces opinions uniques qui s'affrontent comme au XXe siècle a su le magnifier. Mais là, c'est un invariant, celui-là dont tu parles, c'est-à-dire ce rapport homme-nature. Il faut le reconstruire, mais il y a plusieurs scénarios de reconstruction de ce lien homme-nature. Surtout, il y a plein d'expérimentations pour se reconnecter à la nature. On peut le pratiquer, vous, ici à Bordeaux, avec plus de facilité que nous à Paris, et encore. Et ici aussi, dans notre éducation nationale. On en a parlé aussi. Il serait bien que la biologie, par exemple, prenne plus de place qu'elle n'en a. Moi, je trouve que la biologie et le regard biologique qu'on porte sur les choses est aussi transformateur que le regard de l'antique portée du temps de la Renaissance. Vous savez, à la Renaissance, ils ont redécouvert l'antique et ça a changé profondément leur relation au pouvoir, leur relation à l'éducation, au savoir, même à l'économie, à la richesse. Et donc, nous, on est en train de faire la même chose avec la biologie. Et donc, redécouvrir la biologie, c'est aussi redécouvrir les règles de la biologie. Par exemple, j'imagine que votre prof de SVT, quand vous étiez un peu plus jeune, il vous a appris qu'il y avait des arbres très grands avec une canopée incroyable qui prenait tout le soleil et puis un sous-système qui essayait de se démerder. On voit que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Qu'il y a une symbiose entre le en haut et le en bas. Et le succès de ce livre incroyable sur les arbres parle. Qui aurait cru qu'un sujet sur un tel sujet soit un succès, mais planétaire. C'est-à-dire les arbres coopèrent entre eux via leurs racines, via leurs feuilles, échangent des informations. Ils sont en symbiose. Et surtout, ce qui est bien dans la forêt, ce qui peut gêner le management, hein, c'est qu'il n'y a pas de chef et pourtant ça pousse. Donc il y a quelque chose à relire finalement de notre monde. Ça, c'est déjà pas mal. Puis après, il y a intégré, il y a revégétalisé évidemment nos vies, notre esprit, nos vies, nos architectures, nos systèmes. Et on peut même aller plus loin. On peut même penser au réensauvagement du monde. Cette partie de notre humanité aussi primaire, primordiale, originelle, dont on a peut-être oublié qu'elle existe, mais pourtant elle est profondément là, et que la nature nous rappelle. Vous savez, là, pour les auditeurs qui sont en montagne, on le voit bien à la montagne. Quand vous êtes dans la vallée, vous vous regardez d'un regard. Quand vous êtes à 1000 ou 2000 mètres, quand vous vous croisez, vous dites bonjour. À 3000 mètres, vous commencez à vous tutoyer. À 4000 mètres, vous faites un bout de chemin ensemble. Donc il y a aussi ça, ce rapport à la nature par rapport à nous. Donc dans les futurs souhaitables, une reconnexion homme-nature me paraît assez, assez essentielle. Et puis, d'autant qu'on le voit quand on se retrouve dans la nature. Il y a dans notre cerveau des choses, des connexions qui se font, c'est-à-dire qu'on a, en général, on grandit de cela, et l'homme moderne a certainement perdu beaucoup, se croit très intelligent, au profit de la rationalité, a abandonné beaucoup de ses capacités naturelles, on va dire. Tout à fait, et ça nous a permis quand même de nous élever. C'est-à-dire que cette rationalité, elle a été un bienfait dans notre humanité, ça nous a permis de nous éloigner du fatalisme, on était le jouet de plus personne, on pouvait avoir notre propre destinée en main. Ça c'est intéressant, mais il y a eu une forme d'orgueil, c'est-à-dire qu'on s'est senti au-dessus ou à côté d'eux, et c'est cette humilité qu'il faut qu'on retrouve pour essayer de vivre en symbiose avec la nature, mais avec les autres. Le jeu à 9 milliards, c'est pas le même qu'à 2 milliards et demi, donc il y a un côté post-partisan dans cette aventure. C'est pas un truc de militant, c'est un truc de survie. Dans les futurs souhaitables, ce qu'on voit aussi, c'est que il y a pas mal le beau qui revient dans notre aventure. Le beau au service de l'utile. Il y a des périodes dans l'histoire où le beau a été aussi un critère, par exemple. Et remettre le beau au service de l'utile me paraît être un signal faible, ce qu'on appelle en prospective, un petit fait porteur d'avenir qui, s'il est mis à l'échelle, change tout. On le voit, la Renaissance est venue aussi par les arts. Et le changement de mentalité s'est fait aussi par un changement de l'architecture. Exactement. À savoir, est-ce que c'est les artistes qui ont influencé sur l'architecture, qui ont influencé sur la société, ou que tout ça est concomitant ? En tout cas, le beau au service de l'utile est quelque chose dans notre aventure qui est extrêmement important. Et reconsidérer les richesses me paraît être aussi un élément qui va vers un futur souhaitable. C'est-à-dire ? Est-ce que les richesses de maintenant, considérées comme telles, sont les vraies richesses qui servent à vivre ? Est-ce que ce qu'on partage et qui n'a pas de valeur, et ne serait pas à reconsidérer. Et à l'inverse, est-ce qu'on monétarise? Est-ce que c'est vraiment ça qui... Vous savez, tout le monde le dit, mais il est bien de le rappeler, le PIB, ça mesure tout sauf ce qui est important. Ce qui fait qu'une catastrophe de Fukushima ou une catastrophe d'une marée noire augmente le PIB du pays dans lequel ça s'est produit. Voire même ceux qui gratuitement vont laver pour essayer de faire leur part grèvent le PIB du pays concerné. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc reconsidérer les richesses, qu'est-ce qui a de l'importance et comment on les mesure ? Ça aussi, c'est un vrai travail, reconsidérer les richesses et les indicateurs de richesse. Voilà par exemple des pistes. Et puis après... Un des problèmes auxquels il va falloir se confronter, c'est que si le Dalai Lama et Mère Teresa jouent au Monopoly, la fin est toujours la même. Ce n'est pas un problème de joueur, c'est un problème de jeu. Vous pouvez mettre n'importe qui, Nicolas Hulot ou je ne sais pas quoi, à ce poste-là, il pourra faire que ça. C'est un problème de design. Et donc, il faut repenser le design du jeu. Un exemple assez technique, mais par exemple pour Nicolas Hulot, plutôt que de nommer quelqu'un à ce poste qui malheureusement on ne pourra rien faire, et si on crée un poste de vice-premier ministre du temps long entre le premier ministre et tous les ministres? Mais c'est ce qu'il était, ministre d'État, c'est un petit peu le rôle du ministre d'État, il a quand même un rôle entre le premier ministre et les autres. Il a un rang protocolaire dans la prise de parole au petit déjeuner du gouvernement le mercredi, ce qui est déjà pas mal, il peut parler avant les autres, mais il n'a pas une influence directe avec les transports, avec les autres, avec l'éducation, avec l'armée. S'il était au-dessus un super ministre du futur et que chacun des ministres en silo doivent rendre des comptes à ce super ministre qui est le gardien du long terme, ça pourrait peut-être changer les choses. Si en plus vous lui allouez toutes les ressources en prospective qu'il y a dans l'État, en France et en Navarre, et en plus que les préfets sont ses relais pour essayer d'expérimenter des trucs avec une philosophie assez sympa, au pire ça marche. Ça pourrait peut-être changer la donne. Pour vous dire qu'en termes d'organisation, si on change le jeu, on peut peut-être espérer une partie différente. On va faire une petite pause musicale maintenant. T'as envie d'écouter quoi ? Moi je vous propose de prendre... les 2 minutes d'interlude en écoutant la musique d'Interstellar. Alors, retour avec Mathieu Baudin, fondateur et directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. On a vu avec toi dans une première partie d'émission que dans tous les futurs possibles, dans tous les scénarios de futurs possibles, il n'y en a pas que des sombres, bien que l'effondrement, l'arrivée de notre système dans le mur est lui pour sa part inéluctable, mais on peut envisager aussi des futurs souhaitables, des futurs où renaît quelque chose plutôt que quelque chose meurt, quoi. Plutôt qu'une mort, on peut envisager une renaissance. Il faut s'y préparer, c'est maintenant qu'il faut y travailler, vous y travaillez. Et j'ai envie de te demander, j'ai vu que tu parlais de décolonisation de l'imaginaire, et c'est peut-être en effet le premier acte à faire, c'est-à-dire repenser notre façon de vivre ensemble, notre façon de remplir nos besoins essentiels d'une autre manière. Vous travaillez donc à cette décolonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire des références. C'est quoi ? Parle-nous-en, comment vous l'envisagez, comment vous le faites ? L'imaginaire, c'est la clé de notre problématique. C'est celle qui peut vous castrer, qui peut vous freiner, c'est celui aussi qui peut vous libérer. En tout cas, on a besoin de se raconter des histoires avec une telle onctuosité qu'on a envie de les faire advenir. Si on ne le fait pas, d'autres les raconteront pour vous. Et d'autres colonisent notre imaginaire, notamment les marchands. Un exemple, dans les années 80, quand dans un débat politique, on parlait du niveau de vie des familles, aujourd'hui on parle du pouvoir d'achat des familles. Ça ne veut pas dire la même chose, hein. Il y a une espèce d'instrumentalisation du mot, du verbe, au service d'une action. Donc nous, on a des sémiologues qui nous aident à nous décoloniser l'imaginaire, à être conscients et pas dupes justement de cette colonisation de la part d'une société, on va dire d'un modèle de société peut-être construit au 19e, épanoui au 20e, qui va encore se proroger. Et après, il y a des outils pour se décoloniser l'imaginaire. Un exemple, moi je ne dis plus le matin « bon courage » quand je croise quelqu'un, mais « bonne aventure ». Ça paraît anodin, hein, et je l'ai fait particulièrement à ma boulangère qui le répète 300 fois. Tous les matins, bon courage, parce qu'elle présume que la journée est une journée de labeur, ce qui est certainement vrai, mais une journée difficile où il faut du courage pour aller l'affronter. Si c'est une journée pleine de surprises, éventuellement d'opportunités et de rencontres, bonne aventure, vous souhaite ça. Et puis, vous en avez d'autres. Moi, je préconise de remplacer le mot crise par le mot métamorphose dans tout ce que vous racontez, mais aussi dans ce que vous lisez. Et prenez un article d'Alain Minc qui parle de la crise française. Mettez métamorphose française et vous voyez comment le changement d'un seul mot influe sur le fond du sujet traité, et donc la conclusion, c'est imaginer si vous changez de regard. Et le changement de regard, c'est la clé. En fait, si on ne change pas le regard sur le monde, il ne va pas changer. Par contre, si on commence à changer de regard, c'est le début de quelque chose. Après, il faut se coordonner. En ce moment, quand on demande de changer de regard, c'est vers plus de néolibéralisme quand même. Comment aller contre ça ? Parce que c'est le discours dominant, c'est là où on demande actuellement aux Français de changer de regard par rapport à leur monde. On leur dit libéralisons et notre avenir adviendra. C'est comme ça que vous le sentez, vous ? C'est ça qu'on nous dit. On nous dit tellement de choses. On nous dit déjà beaucoup d'acheter. On nous dit beaucoup, beaucoup de faire vite. Il y a une espèce d'une tyrannie du court-termisme. Ça s'est immiscé dans nos vies de manière sournoise, de manière incroyable. On nous dit de réussir dans la vie alors qu'on veut réussir sa vie. Enfin, c'est pernicieux comme ça. Après, le libéralisme, il est là depuis un certain temps, hein. Il fait partie, à mon avis, du vieux système qui ne veut pas mourir. Moi, j'entends des paroles différentes aussi. J'entends des gens qui prennent le temps. J'entends des gens extrêmement talentueux qui, à la Défense, ont une carrière dorée assurée pour les 20 prochaines années, qui disent non, moi, je me casse. Moi, j'entends des mères de famille avoir leur premier enfant, questionner complètement le monde qui va autour. J'entends des pères de famille prendre du temps de parentalité. Je vois des profs prendre le temps de reconsidérer leur... Moi, je vois que des gens s'élèvent un petit peu au-dessus de ce court-termisme pour réhabiliter le temps long qui devrait guider nos vies, la vie politique et la vie de vivre ensemble. Donc, il y a aussi ça qui est en train de se passer. La bonne nouvelle, c'est que ça commence à se savoir. Grâce à vous, mais grâce à plein de gens. Et puis, encore une fois, c'est pas un truc de militantisme. Il y a quand même du mieux à gagner dans cette aventure. Nous, on a 150 experts dans l'Institut de plein de domaines différents. De l'espace, des océans, de l'agriculture, des neurosciences, de la pédagogie. Et tous nous disent, il y a une contrainte dans cette métamorphose. Il va falloir faire, au début, mieux avec moins. Et dans mieux avec moins, il y a deux injonctions. Souvent, on parle du moins, mais il est temps de parler du mieux, en fait. Et donc, il y a un gain qualitatif de société. On peut même passer un stade de notre civilisation. Puis quand on aura fait ça, il faudra qu'on trouve des nouvelles pratiques, voire neuves d'abord, et ensuite réinventer tout. Et nous, en prospective, on prend plein de petits îlots d'expérimentation et on imagine ce que ça fait si ça passe à l'échelle. le revenu. C'est-à-dire quel type d'îlot ? Le revenu minimum d'existence, par exemple, qui a été raillé. Et moi, j'ai conseillé les journalistes à archiver ça pour l'INA. Comment on a raillé cette réflexion ? Qu'il faudrait peut-être un salaire minimum juste en étant humain. Et peut-être que dans un scénario où la machine remplacera l'humain de plus rapide, plus meilleur, ce genre de choses, il faudra se poser la question. Quand on aura reconsidéré la richesse, peut-être que la richesse humaine est la plus importante. C'est normal qu'elle soit qu'on ait à donner quelque chose par rapport à ça. Et l'ami Hamon proposant ça, voyez un peu la difficulté du système à accepter l'idée, voire à la mettre en pratique. Je pense que dans 20 ans, ce sera quelque chose de complètement dépassé. Et donc, des Magellan des temps qui viennent, il y en a plein. Et donc, il faut aussi les écouter, eux. Et il faut aussi les mettre en avant, ce que vous faites dans votre émission. Alors, vous parlez aussi de réenchanter l'avenir. Bon, tu en as parlé, mais j'aimerais que c'est quoi, réenchanter l'avenir ? Il y a des futurs, il y a un avenir. Une espèce d'un cap, un horizon, il y a plein de possibles. L'avenir est maltraité dans les médias. Maltraité dans les deux sens du terme. Maltraité parce qu'on ne sait pas le traiter, et maltraité parce que c'est souvent lié à de la violence. Souvent, le futur, c'est la réalité augmentée de ce qu'on a de pire. Regardez tous les scénarios de science-fiction depuis les 100 dernières années, je vous la fais, il y a un monde qui est game over pour l'environnement, qui est noir, suffocant, vertical, et la seule pointe d'humanité, c'est l'amour d'un homme et d'une femme, vous choisissez, mais en tout cas, il reste cette grain d'humanité à travers l'amour. Je vous ai fait le cinquième élément, je vous ai fait Blade Runner, je vous ai fait tous les scénarios. Ouais. Et vous voyez pas trop de scénarios où il fait bon vivre, où l'intergénérationnel a été géré, où la nature est rentrée dans nos vies et dans nos villes, où les enfants peuvent s'épanouir au contact de l'ancien et du neuf, où on peut entendre des oiseaux. Vous l'avez pas celle-là ? Si, La Belle Verte de Colin Serrault. Exactement, et c'est la seule. Après, c'est la seule. Et vous avez raison. Et merci à elle de nous avoir proposé aussi ce futur-là. Or, il est aussi plausible que les autres. Un film, donc La Belle Verte de Colin Serrault, qu'on trouve certainement en streaming, à voir absolument. À voir et à revoir pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour se rappeler qu'on peut imaginer un futur qui donne envie d'aller vers lui. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Il nous faut un grand récit d'un monde qui donne envie d'aller vers lui et qu'on le diffuse avec une telle onctuosité qu'on ait envie de le faire advenir. Et de dire, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est pas une abstraction, c'est une germination, et que cette potentialité-là, elle est ici et maintenant. Et après, vous allez voir ceux qui font de l'agriculture différente, de l'éducation différente, de l'intergénérationnel différent, de la démocratie différente, ils sont tous là. Concrètement, tu animes, je sais, un réseau de résistants du monde d'après. Depuis 20 ans, c'est quoi ce réseau des résistants du monde d'après ? L'artisanat de l'Institut, c'est de faire, une formation sur le monde d'après. On fait de la prospective, avec cet angle particulier qui est une prospective plutôt qui donne envie d'aller vers elle, bien consciente du monde tel qu'il est. Et on forme donc des gens à dire un demain qui donne envie est jouable. Une fois qu'on a dit ça, on leur donne des armes de construction massive, des choses à faire dans leur organisation, dans leur famille, dans leur territoire, qui sont des petits trucs ou des grands trucs. Par exemple, si vous voulez toujours lire et avoir le confort d'avoir le livre que vous voulez et pas utiliser Amazon, vous installez Amazon Killer, qui est un petit add-on sur votre ordinateur. Vous faites votre recherche confortable sur Amazon, puisque c'est bien là qu'ils nous ont, avec le confort. C'est ça qui nous tétanise. Eh bien, Amazon Killer prend votre recherche, va le mettre sur placedeslibrairies.com, et là, il y a un petit truc qui vous dit, votre livre est disponible à 40 mètres de chez vous dans une librairie. Le libraire vous réserve le livre pendant 24 heures. Cliquez ici, c'est le même prix. Ça, c'est un petit acte de résistance créative tout à fait jouable. Et puis, vous pouvez aussi changer de banque. Et puis, vous pouvez encore augmenter. Vous pouvez reconsidérer des nouveaux indicateurs de richesse comme certains d'entre nous le font. Et puis, vous pouvez, si vous êtes prof, mettre un peu des nouvelles attitudes et compétences dans l'éducation du futur. Moi, je milite, par exemple, pour faire des cours de futur à côté des cours d'histoire dans l'éducation nationale, puisque l'histoire et la prospective, c'est la même chose, en fait, sauf qu'on ne regarde pas du même côté. Et les deux sont là pour libérer l'imaginaire, l'un pour l'inspirer et l'autre pour lui donner toute la potentialité de vous être acteur de votre propre histoire. Tout l'enjeu est là. C'est quoi l'art de vivre ensemble et comment on y va ? Si vous voulez, faites des bombes à biodiversité. Vous avez la recette sur n'importe quel site, et si vous allez sur l'Institut des Futurs Souhaitables, vous avez des kits de conspirateurs positifs qui vous l'expliqueront. Vous faites des boules avec des biodiversités, avec plein de graines, vous les balancez dans les zones où il n'y a pas de végétation et vous repassez dans 9 mois et vous allez voir une action concrète par rapport à ça. Vous faites de la résistance langagière, vous faites... C'est quoi la résistance langagière ? Encore une fois, ne dites pas bon courage le matin, dites bonne aventure, vous allez voir la différence. Et puis, Pierre Rabhi nous a enchantés en disant qu'il fallait faire sa part. Moi, je pense qu'il faut faire plus que sa part actuellement. En gros, faire sa part, c'est faire ce qu'on peut, d'acheter local, d'essayer de faire au mieux dans sa vie. Faire plus que sa part, c'est vous allez dans la rue, vous voyez un déchet, vous le ramassez, vous le jetez dans la poubelle sans jugement. Et ça, c'est pas évident. Moi, je peste assez souvent. Et faire plus que sa part ensemble, qui est le challenge, c'est comme Rainer Novak qui a créé ce super projet de cleaner la planète en un jour. Il a fait ça en Estonie et il a réussi à mobiliser 11% de la population estonienne en un seul jour en liquidant 10 000 tonnes de déchets de toutes les ordures sauvages qu'il ne voulait plus voir. Donc il y a toute cette tessiture-là, cette énergie-là en ce moment et il y a 1 milliard de trucs à faire. Alors comment, alors on peut dire chaque individu peut créer, participer à créer son futur souhaitable aussi, parce que je pense que c'est un travail, ce sont des laboratoires qui doivent se créer partout dans le monde. Ça peut être aller avec les villes en transition, dans une communauté près de chez soi, créer de la résilience, ça peut être plein de choses, ça peut être les oasis, tu parlais de Pierre Rabhi, ça peut être voilà, participer à quelque chose est essentiel. Je crois que l'important est quand même aussi d'agir et que ce changement de langage, cette croyance en un avenir souhaitable est possible si on agit. C'est souvent la passivité, je pense, qui fait qu'on se résigne à voir les choses s'écrouler et que quand on construit au quotidien, on devient beaucoup plus positif pour l'avenir. Les psychologues vous le disent super bien. Une des bonnes façons de lutter contre la dépression, c'est de faire quelque chose pour reprendre une partie de la destinée. Et c'est pareil pour la métamorphose du monde à venir. Il faut commencer à faire. Alors, avant de parfaire, faut faire. Donc, commencer petit, mais commencer. Et commencer avec, ça vous donnera envie d'aller encore plus loin. Et ça, on se réapproprie une partie de la destinée. Et après, moi, je sens un peu comme Mathieu Ricard qu'il est trop tard pour être pessimiste entre nous. Ça fait 40 ans qu'on a ces constats-là. Donc maintenant, l'énergie, c'est une énergie de mobilisation. C'est une énergie de dépassement. C'est une énergie de ringardiser le système ancien qui ne veut pas mourir et peut-être même le laisser mourir. Et il faut faire advenir la civilisation qu'on a envie d'habiter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir tous ces gens comme des utopistes synonymes d'impossible, mais comme des porteurs tels Magellan d'une nouvelle réalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est légion. On est mais partout dans le monde. Sur la marche, là, on s'est fait la main. On était 50 000 à Paris, on était 10 000 à Bordeaux, on était à Besançon, à Toulouse. Et on était contents d'être là et assez convaincus et convaincants. Quelle marche dont tu parles ? Alors, exactement, la marche du 8 septembre, où les gens... 2018 sont... Exactement. 2018, le 8 septembre, on était 50 000 à Paris, 10 000 à Bordeaux, on était à Besançon, à Toulouse, et on était mus par une même énergie, une énergie de vie, en fait, face aux logiques mortifères. Et on sentait de plus en plus, hein, moi je rencontre... Mais c'était quoi cet appel ? C'était un appel pour le climat, pour une fois, c'était pas contre quelque chose. Peu de temps après la démission de Nicolas Hulot, qui encore une fois nous dit qu'il n'y a pas d'homme présidentiel, c'est un problème de système, les gens ont voulu dire que ça, c'est la mère de toutes les décisions à prendre. Si celle-là est foirée, le reste ne tiendra pas. Et donc, il faut agir ici et maintenant. Et on s'est tous réunis dans toutes les villes du monde entier pour essayer de marcher vers un destin commun qui soit celui qu'on appelle de nos voeux. Et c'était assez enthousiaste. 50 000, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup. Ça fait 8 légions romaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment 8 légions romaines face à Rome, ça faisait trembler tout le monde. Mais c'est beaucoup. Et surtout que ces 8 légions romaines, elles sont connectées à travers le monde. Donc on est potentiellement 500 000, voire 500 millions à essayer de vouloir faire les choses. Maintenant, le comment on fait, c'est à la fois du quotidien, à la fois du moyen terme et à la fois c'est où vous pouvez. Dans les entreprises, dans le monde de l'éducation, encore une fois, au niveau des ministères, si vous êtes ministre, n'hésitez pas. De toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix possible. Nous, on a une émission qui s'appelle « Au pire, ça marche », qui porte en elle aussi un peu... qu'est-ce qu'on risque, en fait, finalement, à essayer la métamorphose ? Si on s'y risque pas, on est sûr de perdre. Un mot de la fin ? Un mot de la fin, moi, je voyage dans le temps, donc dans le futur et dans le passé aussi. Je vais aussi récupérer dans le passé des choses qu'on a oubliées. C'est pour ça que j'aime bien dire que dans cette postmodernité, vous savez, cette zone d'entre-deux où on n'a pas encore le nom parce qu'on ne l'a pas encore créé, il y a autant la place pour Elon Musk qui vous fait réatterrir des fusées, vous savez, le patron de SpaceX, que Pierre Rabhi. Et les deux sont très postmodernes. Parce que un vous propose des découvertes à la Jules Verne et d'autres des redécouvertes. Et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire que ce monde qu'on est en train de construire, c'est pas un monde de jeunes, c'est pas un monde de blancs ni d'occidentaux, c'est un monde de tous celles et ceux qui veulent un futur qui soit autre qu'anxiogène. Merci Mathieu Baudin, on rappelle l'Institut des futurs souhaitables qu'on trouve sur internet avec, je suppose, avec plein de choses dedans pour réenchanter l'avenir, décoloniser notre imaginaire et mettre en œuvre les futurs souhaitables dont on a envie. Merci Mathieu Baudin, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet. That's the remember.